Comment les réseaux transforment-ils les amitiés? Je dois reconnaître que je vais parler dans cette chronique de quelque chose que je ne connais pas directement, à savoir la façon dont, dans les réseaux sociaux, paraît-il, l'amitié est omniprésente. Ainsi, je n'ai pas, pour ma part, de compte Facebook ou d'autres comptes de ce genre à titre personnel, où, justement, la dimension personnelle semble essentielle. Il semble que le nombre d'amis déclarés des amis ou des ennemis, aimer ou ne pas aimer quelqu'un, soit au cœur de ces réseaux, à tel point que le mot « ami » en anglais, « a friend », soit devenu quelque chose comme un verbe. Je peux faire de quelqu'un un ami et je peux aussi le défaire. I can unfriend someone. Je peux défaire l'amitié avec quelqu'un d'un clic et on peut compter son nombre d'amis, de suiveurs, de followers, de partenaires. Au fond, cette dimension, j'avoue ne pas la connaître directement, mais ce dont nous avons tous l'expérience et qui est peut-être caché derrière cette transformation numérique de l'amitié et au fond qu'il faut juger sur pièce, sur les actes. Sont-ce des vrais amis, sont-ce des amitiés superficielles? Il y a toujours eu aussi ces amitiés éphémères de rencontres ponctuelles qui ne durent pas forcément toute une vie. Mais le véritable problème sur le numérique, entre les réseaux sociaux, n'est peut-être pas tant la déclaration d'amitié ou d'inimitié individuelle que la condition structurelle de groupe liée par des amitiés et surtout par des inimitiés. Au fond, l'amitié n'est jamais seulement un phénomène individuel, ni directement un phénomène politique. On peut et on doit définir la politique plutôt par la lutte contre des actes qui nous agressent que par l'essence des amis et des ennemis. C'est aussi un phénomène social. Et le réseau nous apprend comment se constituent en actes pour le meilleur et souvent pour le pire des groupes qui se définissent par leurs amitiés contre d'autres groupes envers lesquels ils déclarent leur inimitié qui peut aller alors pour le coup jusqu'à la haine. Autant l'amitié ne va pas jusqu'à l'amour si facilement, autant l'inimitié peut aller très vite jusqu'à la haine quand elle constitue en effet un phénomène de groupe, un phénomène autour duquel peut terriblement se constituer le politique qui doit pourtant toujours se centrer sur les actes et non pas sur les identités. Mais l'inimitié de groupe est paradoxalement structurée par les réseaux, alors que l'idée de réseau semble indiquer des connexions inter-individuelles. Peut-être même l'idée d'avoir des amis et de défaire des amitiés sur les réseaux individuels est-elle un des remèdes contre cette structuration des groupes par la haine? Peut-être que cette ironie dont je faisais preuve envers les réseaux, d'inscrire ou de désinscrire des amis, est-il finalement anodin et peut-être même réparateur face à cette sacralisation des groupes les uns contre les autres? Revenons donc aux amitiés entre les individus, aux inimitiés qui ne nous détruisent pas, dont il faut admettre le risque et la négativité, et luttons surtout contre le durcissement de l'inimitié jusqu'à la guerre.